rentrer seul au vent. Parfois tu sens là où tu penses. Pourtant le mot m'avait dit non, mais ça n'a rien empêché. Petite poupée dans les mains de ces démons, n'avait pas grand chose à part une feuille et un crayon. La lune est belle, ce soir encore elle m'entend. Mais demain ça recommence, je ne veux même plus voir les rayons. Toutes ces épines dans son petit cœur à lui, j'ai essayé de retirer comme j'ai pu toute ma vie. Son reflet à lui encore dans la flaque de pus. Je m'en veux tellement de l'avoir laissé sous ses petits sémis. Tout ce magma, toutes ces drogues n'ont rien changé. Pour se donner un peu d'amour, le môme se mettait en danger. Tous ces coups, cette violence qu'il a engrangée, ont fait de lui une carcasse vite si facile à briser. J'avais pas le choix de ramasser les déchets, essayer de construire un château pour oublier ses méfaits. Pardonne-moi gamin, je t'ai mis sur la cover. J'ai essayé toute ma vie de te faire vivre undercover. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Comme je t'aime, je pourrais pas te dire et je suis tellement fier de toi. Pardonne-moi, je t'en prie, pardonne-moi. Je sais que t'es quelque part là-haut et que t'es si sûr de toi. Et pardonne-les, je te jure, essaie de pardonner. Tu mérites le paradis, je suis pas sûr que tu l'aies sous les pieds. J'ai si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. J'ai si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. J'ai si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Un point où ça devient à peine quantifiable. J'ai si mal, si mal, si mal, si mal, si mal. Je peux plus compter, ça va trop.